Portrait d'assaut sur Fadjet. Bienvenue sur Fadjet et Portrait d'assaut, une chronique aujourd'hui consacrée aux 40 ans de l'ouverture du Didlot, un lieu d'accueil emblématique fondé en 1983 et qui a ouvert pour la première fois, c'était le 17 décembre 1984 au cœur de Nancy, rue Charles III. Pour nous parler de ce rendez-vous, parce qu'il va y avoir quelques moments festifs autour de ces 40 ans, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Jeanne Poisson en studio. Bonjour Marie-Jeanne. Bonjour. Et bienvenue. Vous avez été présidente de cette association Le Didlot. Oui, pas très longtemps, mais quelques années. Hein, mais c'est Suzanne Barral, la fondatrice. Mais vous étiez à l'origine aussi de la création de cette association. Oui, oui. Alors, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu le rôle de cette association, Le Didlot ? Alors, au départ, elle n'existait pas. Mais c'est Suzanne Barral, après 10 ans de visiteuse de prison, ne supportait plus de doubler les familles pour aller au parloir visiteur de prison. Et les familles, s'il n'y avait plus de parloir, elles restaient dehors et étaient remerciées. Il n'y avait pas de rendez-vous téléphonique, c'était premier arrivé, premier servi. Donc pour rappeler, hein, la prison à l'origine, elle était au cœur de Nancy. Elle était rue de la Paix Didlot, était le premier aumônier au 19e siècle de cette rue et le premier aumônier de la prison. Alors là, il y avait 240-250 détenus qui étaient uniquement maisons d'arrêt. Voilà, on comprend mieux maintenant pourquoi le nom de cette association, le Didlot. Tout à fait. On nous avait proposé un nom absolument extravagant. Ah bon ? C'était quoi ? C'était le charlatan. Ah oui ? Charles III, mais charlatan, c'était pas bien vis-à-vis des familles, quoi. Bon, je dois vous dire qu'on a beaucoup ri. Donc, vous l'avez évoqué, hein, à l'époque, les familles n'avaient pas de lieu pour attendre. Ils attendaient dehors. Donc, c'était entre les voitures, on changeait les bébés sur les voitures, voilà. Et il n'y avait pas de toilette, il n'y avait rien. On ne pouvait pas boire, on ne pouvait pas relaver un enfant qui avait fait des saletés. C'était très compliqué. Et il y avait plus de femmes que d'hommes, puisque l'essentiel des détenus étaient des hommes. D'accord. Il y avait 230 à 250 places et il y avait un quartier femmes de 13 à 15 femmes. Et donc cette situation était assez révoltante, bien sûr, et vous avez eu, avec d'autres bien sûr, envie de proposer un autre accueil pour ces familles. Mais c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'accueil. Suzanne Barral, au bout de 10 ans de visiteuse, a dit stop, il faut vraiment prendre en compte les familles. Elles étaient invisibles et il fallait les rendre visibles, surtout que c'était elles qui supportaient tout. Les visites, les gamins, la sécurité sociale à l'époque était enlevée à ceux qui avaient un mari incarcéré. Et c'est Suzanne Barral aussi qui a réclamé et la sécurité sociale a été rendue aux familles. Et donc, il y a eu cette création d'association et la création d'un local aussi. Vous pouvez nous expliquer un peu, nous rappeler comment s'est né ce local ? Oui, alors, on cherchait un local de 100 mètres carrés pour accueillir les familles. On avait besoin d'un peu de place pour au moins accueillir, mettre des WC, un endroit pour changer les bébés. Mmh. Et puis, on avait besoin d'une petite salle de 10 mètres carrés pour pouvoir éventuellement parler avec une famille un petit peu en discrétion. Mmh. Voilà. Et le reste était uniquement une grande salle de 90 mètres carrés. Et c'est finalement le directeur de l'administration pénitentiaire qu'on a sollicité et dit « Mesdames, voilà, j'ai ce qu'il faut. » Mais bon, il a fallu trouver l'architecte, démolir. Et puis après, on a monté une grue pour monter le toit et tout ça. C'était vraiment passionnant. Hein. On avait installé des bancs le long du mur. On a voulu un arbre au centre du local parce que c'est de la vie. Et c'est la ville qui nous a offert un arbre. Et puis, il y avait un sky dome au-dessus pour donner de la lumière. Et il y avait un téléphone à l'entrée parce que le portable n'existait pas à l'époque. Bien sûr, non. Donc, voilà. Et on a demandé qu'il y ait un interphone entre l'entrée de la prison et le local. Mmh. Alors, ça a été compliqué parce que les familles croyaient qu'on les oublierait. Donc, elles étaient toujours devant la porte. Puis, petit à petit, elles ont compris qu'on les appellerait. On a eu du matériel qui a été donné par le Secours catholique. On a eu des chaises, des tables et puis des jeux. Donc, c'était une belle collaboration, je trouve. Hein. C'était sympathique, quoi. Et puis, on a pu inaugurer le 17 décembre. On a eu quelqu'un du ministère de la Justice qui est venu. On a eu des avocats. Enfin, c'était un beau moment. Et donc, quand vous voyez les personnes que vous alliez visiter, que vous leur disiez, voilà, maintenant, il y a un lieu d'accueil à la prison pour vos familles. Oui, alors on le disait, mais il y avait beaucoup de gens encore qui n'avaient pas de visite parce que c'était trop compliqué de venir de loin. Hein, parce que la personne est détenue dans la ville où elle a commis son sa bêtise, quoi. Et c'est le service social qui nous donnait les personnes à visiter. Et tout ça aussi rendu possible grâce aux bénévoles dont vous avez fait partie aussi. Alors, vous pouvez nous expliquer un peu comment vous êtes retrouvée aussi à vous investir dans cette association ? Moi, j'étais visiteuse de prison. J'étais visiteuse de prison assez longtemps. Et j'allais beaucoup au quartier femmes et au quartier mineurs, où j'avais un atelier. Alors, je faisais des crêpes, je faisais des tartes avec les mineurs. C'était le jeudi matin. Alors, ce n'était pas triste. Là aussi, on m'a donné deux cuisinières pour chauffer au moins ou les crêpes ou les tartes. Alors, chez les femmes, c'était toujours la fête. Et il y en a même qui me demandaient d'avoir des pommes de terre râpées, dérapées. Mm-hmm. Oh, je dis à 9h du matin, ça fait un peu tôt. Hein. Alors, on faisait juste des crêpes et puis des tartes. Voilà, alors j'amenais tout le matériel parce qu'il n'y avait pas de budget pour ça. C'était nous qui fournissions un petit peu les ingrédients, vous savez, du lait, des œufs. Ce n'est pas très compliqué. Hein. Mmh. Les poêles, on en a trouvé ailleurs. Et puis voilà. Alors, moi, j'ai travaillé au moins 10-12 ans comme visiteuse. Et Suzanne, en 80, elle m'a dit « Allez, Marie-Jeanne, on y va. Hein. Il faut un local pour les familles. Moi, je ne supporte plus qu'elle ne soit pas prise en compte et qu'elle soit toujours invisible. » J'étais embarquée avec elle et je me souviens ce premier voyage à Lyon. La fille de Madame Barral était magistrate et elle avait vu qu'il y avait un local qui avait été ouvert en face de la prison Saint-Luc à Lyon. Alors on est allé voir avec Suzanne et en revenant, elle m'a dit « Alors on y va, hein, Marie-Jeanne, on y va ». Et c'est comme ça qu'on a cherché un local. L'association, elle a continué d'exister. Ça a été repris par d'autres et on a continué à accueillir les personnes. Parce que même si la prison a changé de place, l'association, elle a continué d'exister, elle est toujours présente. En lien avec le prestataire payé par l'administration pénitentiaire. Oui. Donc, c'était des gens qui n'avaient pas été vraiment formés à l'accueil, mais ça fait rien, ça. Mais quelquefois, il y a eu un peu de tension, mais on a toujours arrangé quand il y avait un conflit avec une famille. Les bénévoles de l'association Lidlo, ils avaient peut-être un rôle de médiation aussi entre les familles Alors, et les Il y avait un rôle de médiation, mais surtout, il y avait de la formation qui était offerte aussi. Par l'association. Mm-hmm. Alors, ce n'était pas obligatoire, mais alors indispensable. C'était des samedis matins, il y avait 2 à 3 heures de formation par groupe de 10. Et voilà, on est en 2024. Il y a surtout un moment festif qui va arriver la semaine prochaine, voilà. La semaine du 16 décembre. Toute la semaine, il va se passer des choses, c'est ça ? Oui, je crois qu'il y a un café qui sera offert aux familles, des madeleines ou des gâteaux, des choses très simples. Il y aura une exposition aussi, je crois. Oui, je crois qu'il y aura l'exposition qu'on avait fait l'an dernier quand on a commencé à parler des 40 ans. C'est très simple et puis en même temps, chacun est tellement différent. Hein. Ça peut être très pittoresque hein, des accueillants, hein. Mais c'est ça la richesse. Donc si c'était à refaire, bien sûr, sans hésiter. Alors ça, c'est très important parce qu'on était les deuxièmes en France à avoir ouvert un local pour les familles de jour. Hein. Il y a eu avant des hébergements, mais là, et on était les deuxièmes en France. Et aujourd'hui, il y a quasiment 180 lieux d'accueil devant les prisons, maintenant toutes les prisons, et qui sont pour beaucoup gérés par les prisons. Donc l'association Le Didlot, 40 ans. Et qu'est-ce que vous pouvez souhaiter à l'association Le Didlot pour la suite ? Qu'est-ce que je dirais ? Il faut avoir de l'audace. Il a fallu être audacieux pour ouvrir un local, hein, je crois. Il a fallu oser mesurer les défis d'hier. Et puis après, il a fallu savourer l'aujourd'hui. Et maintenant, il faut oser avancer vers demain, qui est complètement différent d'il y a 40 ans. Et il ne faut pas avoir peur d'inventer. Et on a la chance d'avoir pu créer quelque chose qui a été repris, évidemment. Mais tant mieux. Et il faut peut-être inventer d'autres choses. Merci beaucoup, Marie-Jeanne Poisson. Il y a un site internet, hein, ledidlot.free.fr, hein, si vous voulez aller vous renseigner sur cette association. Merci infiniment, Marie-Jeanne Poisson. Ah mais avec plaisir hein, de vous avoir rencontré. C'était Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.